Chapitre 5e, le dîner des funérailles. Lord Weymouth était lui-même trop préoccupé pour s'apercevoir du trouble d'Octave. D'ailleurs, les valets qui entrèrent en ce moment avec une table toute servie firent diversion à leurs pensées. Bien que chacun des convives s'efforçât visiblement de paraître gai, le repas fut d'abord triste et silencieux, mais peu à peu, sous la chaude influence des vins généreux, les fronts s'éclaircirent, la contrainte disparut et fit place à la plus vive cordialité. Octave, surtout, dont le vice-capital était l'orgueil et qui craignait que sa tristesse ne fût interprétée comme un regret de la vie, reprit bientôt sa verve caustique. Aussi, quand les valets se furent retirés, quand le punch dansa dans son bol d'argent, quand les cigares tendirent le réseau bleu sur la tête des deux futurs suicidés, Lord Weymouth se leva et, serrant d'une main la main du comte, de l'autre choquant son verre contre le sien, il porta ce toast « À notre amitié !»« À notre amitié !» répéta Octave. « Puisse-t-elle durer jusqu'à la mort ?»« Elle aurait trop peu de chemin à faire !» dit l'anglais en souriant. « Puisse-t-elle se prolonger au-delà ?» Les verres vidés, ils se rassirent. « Maintenant, comte, dit Lord Weymouth, racontez-moi, si toutefois ce n'est point un secret, pourquoi vous voulez mourir ?»« Le voici, en deux mots, cher Lord. Je meurs parce que je suis le plus heureux des hommes. » « Je déclare le motif insuffisant. C'est pourtant le véritable. Il n'y a rien de monotone, je vous assure, comme un bonheur constant, insolent, inouï, qui depuis 28 ans ne s'est pas démenti une minute. Vivre davantage serait de ma part un acte d'improbité. Comment ? Sans doute. Moi parti, le bonheur qui s'acharne à ma personne se rejettera nécessairement sur des êtres qui l'appellent en vain tous les jours. Chaque heure de mon existence est un bol que je fais à de pauvres diables. » Lord Weymouth se mit à rire. « Parlons sérieusement, dit-il. Pourquoi vous tuez-vous ? Mais je suis très sérieux, poursuivit Octave. Il n'est pas naturel d'être heureux à ce point-là. Je dois payer mon bonheur tôt ou tard, et je prévois pour mon avenir d'effroyables catastrophes. Ma foi, j'ai peur, et je me sauve. » « Allons, reprit Lord Weymouth, cherchez bien. Je suis sûr que vous avez quelques griefs contre le destin. Moi, nullement, dit le comte. À part la maladresse de m'avoir fait naître, maladresse qui est de plus un non-sens, puisqu'il me faudra mourir, qu'ai-je à lui reprocher à cet excellent destin ? Rien. Il avait le droit de faire de moi le fils d'un chiffonnier ou d'un forçat. Et j'ai été salué à mon arrivée au soleil comme l'unique rejeton d'une des plus nobles et des plus riches familles de France. J'eusse pu naître souffreteux, laid, bête et méchant. J'ai une santé de fer, un extérieur convenable, assez d'esprit pour l'apprécier chez les autres, et un cœur ouvert à deux battants à tout ce qui est bon, vrai ou beau. « Je devine, dit Lord Weymouth, un grand chagrin. « Pas du tout, reprit Octave. « Je ne connais le chagrin que de réputation. La mort de ma mère, le seul malheur qui nous frappe tous sans exception, m'a laissé impassible. J'étais si jeune, quand elle me fut enlevée, que je ne me la rappelle pas. Quelques déceptions, peut-être, point. Je n'ai jamais eu ce qu'on appelle des illusions, c'est-à-dire la rage d'exiger de l'amour et de l'amitié plus que ces deux sentiments ne peuvent nous offrir. Alors, cher comte, je ne vois qu'une chose, c'est que vous vous ennuyez. Non, pas encore. Mais j'ai une crainte affreuse, que l'ennui ne m'arrive avec la satiété. Mon existence a été une fête splendide. Pas un de mes désirs qui ne fut satisfait, pas une de mes volontés qui rencontra un obstacle. N'y a-t-il pas là de quoi lasser un honnête homme ? Tenez, un exemple entre mille de ma chance implacable. Je me suis ruiné 3 fois, et 3 fois, des héritages considérables me sont tombés des nues comme un point nommé. Le dernier, pour m'exaspérer davantage, fut le plus gros. C'était une tuile de 600 000 francs. 30 000 francs de rente, appuya Lord Weymouth. Juste. Ceci, mon bon, dis-je à l'esprit follet, qui me poursuit évidemment de ses faveurs, ceci passe la plaisanterie. J'accepte, pour cette fois, ce renouvellement de bail avec vous. Mais pour Dieu, finissons-en. La chance est femme, partant perfide comme l'onde, elle pourrait tourner tant et si bien que je me repentisse amèrement de l'avoir trop tentée. Usons, n'amusons pas, dit la sagesse des nations. Puis voici que je me fais vieux. L'éveil me fatigue, l'opéra m'ennuie. Je ne réussis plus à m'amuser tous les jours. Dans 10 ans, je deviendrai bonhomme et je porterai de la flanelle. Allons, encore une valse échevelée, et sortons du bal avant que les fleurs se fanent, que les femmes bâillent et que les bougies s'éteignent. Mon cher, interrompit Lord Weymouth, ceci est une maladie du cerveau très répandue chez nous. On la nomme le spleen. Vous êtes horriblement blasé, cher comte. Moi, blasé, allons donc. On n'est blasé que jusqu'à 20 ans. C'est une infirmité de jeune bachelier S-lettres. Je divisais donc mes 600 000 francs en deux parts et je me jurais qu'en 2 ans je les croquerais jusqu'à la dernière parcelle, après quoi j'irai rejoindre mes ancêtres. Or, les 2 ans sont révolus d'avant-hier, et à 8 heures du matin, mon banquier entrait dans ma chambre et me déclarait sans ménagement que du fameux héritage, il ne restait pas un écu au soleil. Vous étiez ruiné, adorablement ruiné. Château, coupons de rente, domaine et actions de chemin de fer, tout était évaporé. Que fîtes-vous alors? Je me frottais les mains avec délices. Le bonheur était enfin frustré. Il ne tenait qu'à moi de goûter du malheur. Vous comprenez? Clichy pour le présent et une superbe misère en perspective. J'étais maître de la position. Je n'ose vous en féliciter. Mais voyez le guignon. Tandis que mon banquier sortait par une porte, mon valet de chambre surgit par une autre, étant là avec complaisance, sur son plat d'argent, une grosse vilaine lettre carrée dont la seule vue me bouleversa. Elle sentait son notaire du lieu. « Ah ah !» dit Lord Weymouth, « un quatrième héritage ?»« Ou peu s'en faut. Un mien cousin, fort éloigné, fort inconnu, nabab de son métier, paraît-il, et dévoré de millions, venait de décéder aux Indes orientales, sans postérité avouée. Par quel prodige, à son lit de mort, pensa-t-il à moi, qui pensais si peu à lui, c'est ce que tout autre que moi chercherait à s'expliquer. Moi, j'ai ma réponse prête, la chance. » Toujours est-il que ce malheureux m'instituait son unique légataire, mais à une condition, condition tellement baroque, bizarre, fantastique et nauséabonde, que je me roulais pendant un quart d'heure dans les convulsions d'un rire interminable. Quelle était cette condition? Celle d'épouser sa veuve. Cet infortuné, corrompu sans nul doute par les vaudevilles de M. Scribe, se sera figuré que ces sortes d'hyménées se perpètrent dans la vie réelle et ailleurs qu'au gymnase. Après avoir ri plus qu'abondamment, je sautai à bas de mon lit et j'écrivis au notaire en l'envoyant poliment à tous les diables, lui et ses lacs de roupies et sa vieille veuve. Vieille, qu'en savez-vous? Mon cousin avait 73 ans. En en supposant 50 à sa femme, je suis très généreux. Bref, 24 heures après cette mauvaise plaisanterie, vous m'avez rencontré, my lord, prêt à quitter la terre, ce joyeux petit endroit que les poètes, éternels pleurards, s'obstinent à nommer une vallée de larmes. Octave se tut et remplit son verre. « C'est tout ? » demanda l'anglais. « C'est tout. »« Mon cher ami, dit Lord Weymouth, permettez-moi de vous dire une chose. »« Dites. »« Vous n'avez pas le sens commun. »« Je l'espère bien. »« Écoutez, reprit l'anglais, bien que j'ai 12 ou 15 ans de plus que vous, je ne prendrai pas des airs paternels pour vous détourner de votre résolution. » Ce serait inutile et ridicule, je le sais. Je ne vous dirai point que vous allez commettre un crime, puisque moi-même je veux le commettre. Mais une simple question. Avant de dire adieu à la vie, avez-vous bien regardé autour de vous? Êtes-vous bien sûr de n'avoir personne à protéger, à soutenir, à aimer? Le comte, soudainement attristé, eut un soupir involontaire. À aimer, dit-il en glissant un regard furtif vers le portrait. À aimer, répéta-t-il. Non, personne. Êtes-vous sûr, en vous tuant, de ne pas pousser trop loin un paradoxe de votre imagination inoccupée? Oui, dit Octave, j'en suis sûr. S'il faut l'avouer, eh bien, j'ai gaspillé ma vie. Qu'y faire? J'ai, ou plutôt j'avais, la tête et le cœur tellement vides. Dans de pareilles conditions, on s'abrutit vite. Je préfère partir. J'avais, avez-vous dit. Vous voyez bien que vous aimez à cette heure. Eh, le sais-je moi-même. Cette femme, d'ailleurs, ne m'aime pas. Elle ne peut, elle ne doit pas m'aimer. Elle est mariée. Octave rougit légèrement. Un homme digne à tous égards de son affection et de son estime. Lord Weymouth baissa la tête. Alors tuez-vous. Vous aurez raison, reprit-il après un silence. Il faut un but à l'existence, sinon elle devient impossible. Quand ce but est l'amour, quand on a joué son avenir et son passé sur cette carte fragile qu'on nomme l'affection d'une femme, et quand on a vu sombrer à la fois son but et ses espérances, le plus sage parti à prendre, c'est de mourir. « Serait-ce votre histoire ? » s'écria Octave en lui serrant la main. « Oui, » dit l'anglais. « Et tenez compte, » ajouta-t-il en se frappant la poitrine, « il y a là un secret qui me pèse. une pensée qui me ronge. Je veux vous dire tout. Cela me soulagera peut-être. Dussiez-vous rire de moi et me traiter d'insensé. » Et cachant son visage dans ses mains, il reprit d'une voix presque basse. « Comte, moi aussi j'aime une femme jusqu'à l'idolâtrie, jusqu'au délire. Je l'aime avec la sauvage énergie d'une dernière passion. Je l'aime à m'immoler pour elle. Ah, c'est fou et ridicule, n'est-ce pas? C'est à faire lever les épaules de pitié qu'un homme de mon âge impose le triste fardeau de son amour à une belle créature rayonnante de sève et de jeunesse. Car cette femme, c'est la mienne, et je vous fais cet aveu que nul au monde ne doit connaître. Parce que vous allez mourir, comte, et qu'un mourant est le plus sûr des confidents. » En entendant ces paroles, Octave éprouva une singulière sensation. Ce fut comme un mélange de haine et de jalousie. Son front se couvrit de moiteur et il répondit avec un sourire forcé. « À votre tour, my lord, vous n'êtes pas dans votre bon sens. Qu'y a-t-il de ridicule ou de désolant à aimer sa femme? Vous n'en êtes pas, je suppose, à vous émouvoir des plaisanteries plus ou moins spirituelles qu'on peut faire à ce sujet. Et si, comme je n'en doute pas, votre passion est partagée, elle ne m'aime pas. » Interrompit Lord Weymouth. « Elle en aime un autre. Elle ? » s'écria Octave en tressaillant. « C'est impossible. J'en ai la preuve. » En ce moment, si Lord Weymouth eût été moins absorbé par sa douleur, il vit s'agiter violemment une des portières de velours qui fermait le salon. « Vous ne pouvez comprendre, continua-t-il, ce qu'il faut de force et de courage, pour comprimer, ainsi que je le fais, mon amour et la plus atroce jalousie. Certes, je ne veux pas descendre jusqu'à un espionnage dégradant, mais malgré moi, à chaque nouvelle et jeune figure qui franchit le seuil de ma maison, j'interroge avidement les physionomies, j'interprète un mot, un geste, un coup d'œil, et sous mon masque de froideur et d'impassibilité, je souffre des tortures sans nom en me disant « C'est peut-être celui-ci. » « C'est horrible, » dit Octave. « Si horrible que je suis là de mes souffrances. Et comme elle doit me haïr, comme elle doit détester l'homme qui emprisonne son cœur et sa jeunesse. Ah, quand je n'y serai plus, elle m'accordera du moins un souvenir de pitié, et cette pensée me console. » « Ainsi, » dit lentement Octave, « vous laissez le champ libre à une femme qui vous trompe lâchement. Vous quittez la vie sans vous venger, sans punir les coupables. Le seul coupable, c'est moi, » dit Lord Weymouth avec un triste sourire. « Emma n'a que 20 ans et j'en ai 45. » Après un instant de silence, il reprit d'une voix navrée. « Le jour où pour la première fois je la rencontrai, calme, rêveuse, pure comme une madone de Raphaël, et comme elle aussi, le front saint d'une âme de rayonnante chasteté, le jour où moi, le diplomate sceptique et vieilli avant le temps, je sentis monter dans ma poitrine la passion profonde, sourde, implacable, le jour où je comptais en frémissant les années qui me séparent d'elle, c'est ce jour-là que je devais me faire justice en sortant de la vie. Mais non, j'aime mieux gâter ce jeune avenir. Égoïste que je fus, je garrottais ce cœur naïf et parfumé d'espérance à mon cœur usé, fatigué, déchiré de cicatrices. Je rivais un corps vivant à un cadavre. Je fis deux misérables. » Octave n'écoutait plus. Une pensée qui caressait à la fois et son amour et sa vanité venait de surgir en lui. « Si c'était moi qu'elle aime, » se disait-il. Et cette supposition qui n'avait rien d'improbable, quand il se rappelait les nuits mystérieuses de Fontainebleau, le faisait sourire doucement. « Emma était pauvre, » continua Lord Weymouth, « et je suis riche. J'espérais qu'à force de faire épanouir dans sa vie toutes les jouissances du luxe, toutes les féeries de l'opulence, je parviendrais à étouffer plus tard les exigences de son âme. D'ailleurs, elle me parut froide, réfléchie, peu exaltée. Son caractère ennemi du romanesque me rassura. Je l'obtins de sa mère et quand je lui demandais, pâle et presque défaillant de bonheur, si elle croyait pouvoir m'aimer un jour, « Oh oui !» me répondit-elle avec son beau regard si franc. « Je vous aimerai comme un père. » Lord Weymouth se leva, et contemplant le portrait de la jeune femme, il murmura, tandis que de larmes brillaient dans ses yeux. « Me venger de toi, cher enfant. Et pourquoi? Parce que tu as tenu ta promesse? Parce que, comme à un père, tu m'as donné ton respect et ton affection? parce que tu as trouvé chez un autre la jeunesse, la beauté, la poésie qui me manque ? Ô ma fille bien-aimée, n'es-tu pas assez punie ? Ton cœur, comprimé dans les froides réalités du devoir, saigne à toute heure à cause de moi. Mais va, je n'accepte plus ton sacrifice. Mon rêve est brisé. Je me réveille. Demain, tu seras libre, et bientôt tu pourras, sans honte et la tête levée, t'appuyer sur l'homme que ton âme a choisi. » Un sanglot éclata, et la portière s'étant soulevée, une femme vint tomber dans les bras de Lord Weymouth. « Georges, disait-elle d'une voix entrecoupée, il est donc vrai, tu vas me quitter, mourir ? Méchant, que t'ai-je fait ?»« Emma ! » s'écria Lord Weymouth, atterré. « C'est bien elle, » murmurait Octave. « Vous écoutiez ?» reprit l'anglais d'un ton qu'il s'efforçait de rendre sévère. Mais sous les baisers de sa femme, il frissonnait comme une feuille au vent. « Oui, » dit-elle, « je venais, je ne sais plus. J'avais une nouvelle à t'annoncer, je crois, et j'ai tout entendu. » Et posant sa tête blonde sur l'épaule de son mari, elle reprit. « J'ai tout entendu. Et je sais maintenant, oh mon Georges, à quel point tu m'aimes. » Ce silence, cette attitude réservée, cette tristesse que je prenais pour un manque d'affection, c'était donc encore une délicatesse de ton cœur, une méfiance de toi-même, la crainte de m'importuner de ton amour, et moi qui t'accusais de froideur, qui me laissais aller à la jalousie. « Tu m'aimes donc ?» s'écria Lord Weymouth, ivre de bonheur et croyant rêver. « Si je t'aime, et pourquoi ne t'aimerais-je pas ?»« Tu n'es, disais-tu tout à l'heure, ni assez jeune, ni assez beau, ni assez poétique pour être aimé. Mais regarde-toi donc, ce front large et pur, ces yeux pleins de feu, ce visage où ton âme fière, tendre et virile à la fois, rayonne malgré elle. Oh, mon Georges, n'est-ce point là la forte jeunesse, la vraie beauté, la divine poésie ? Bah, je t'aime et j'en suis fier. Non plus comme une sœur dévouée, ni comme une fille respectueuse, je t'aime d'un saint, d'un ardent amour d'épouse et d'amante. « Dis-tu vrai, mon Dieu ?» balbutia Lord Weymouth en étreignant sa femme avec une joie délirante. Et pendant un instant, on n'entendit que le bruit de leurs baisers et de leurs sanglots qui se confondaient.